Alors toi, ça va? Ça va pas mal. Ça va pas mal. Beaucoup moi, je suis un peu, là, je prépare Avignon. On part lundi donc au Festival d'Avignon. Donc, J'ai rencontré il y a quelques minutes Nina Savary. C'est la famille de Jérôme Savary. Oui, ouais, ben oui. Ben oui, c'est sa fille. Sa fille, d'accord. Sa fille. Et donc, elle aussi s'en va à Avignon. Ah ouais, elle joue quoi? Oui. Elle joue au théâtre ou... Oui, elle rend hommage à Boris Vian, spectacle. D'accord, j'ai vu ça. Et j'en ai entendu parler. Et voilà, c'est ça. Puis elle est venue passer quelque temps dans le cadre de mon émission, comme toi. Voilà. Bon, très bien. Et, bon, et toi, tu es sur quelle radio alors? Moi, c'est CKRL. Donc, je trouve ça rigolo parce que... Attends un petit peu, je vais juste ajuster mon truc. Et je suis à toi par la suite. Ah oui, c'est ça. J'écoutais un truc sur France Inter ce matin et c'était sur les radios libres. Ah d'accord. Et un petit peu, je vais juste vérifier mon truc. CKRL. Oui. La radio communautaire à Québec. C'est une radio aujourd'hui. Ben ici on dit radio libre. Mais chez moi on dit radio communautaire. Donc l'histoire veut que. Là, un petit problème technique. Et c'est dans quelle ville? C'est sur tout le Québec? Québec, mais avec c'est Internet. La ville de Québec. Oui, mais avec Internet, c'est à travers toute la francophonie. Je suis passé à Québec dans une salle qui s'appelle... près de la gare des bus, là. Une très belle salle. C'est pas le Connétable, mais c'est un nom comme ça. Un club? Une salle chanson. Comment ça s'appelle? C'est pas le Capitaine. Le... Ah, le Capitole? Non. Une petite salle café-restaurant. Non, café-restaurant. Qui fait café aussi. Il y a les tables et tout. L'Intendant. Ah oui, ah oh oui. Ah oh oui, mais c'est oui, une salle de 250 personnes. Oh non, ouais, tant que ça? Oui. Ouais, je pense... Ben 150. Ouais, je pense que c'était plus petit que ça. Mais ouais, plutôt ouais, 100 personnes. T'es passé quand? On avait fait une petite tournée avec Manu Gallure. Je sais pas si tu vois, Manu Gallure, tu l'as déjà vu? Oui. Ouais, c'est moi qui avais produit ces deux albums, ces deux premiers albums, et on l'avait fait tourner. Du coup, j'en avais profité pour y aller aussi. Ok. Et c'était en 2008, je pense. Oh, ok. Ouais, peut-être 2007. Ah non, attends, c'est quand je suis reparti à Toulouse. Ouais, non, c'est ça, 2008. 2008, l'été 2008. Le temps passe. Hein? 1900, ça fait déjà 3 ans. Et ouais, c'est ça, 2008. Le et le patron était spécial. Ah oui? Comment ça? Bah, de toute façon, il a cette réputation là, il est très très bizarre. Grognon? Hein? Grognon. Ouais, grognon, ouais, et puis il dit pas clairement les choses. Enfin, c'est très bizarre sur les conditions, sur les. Il est content, il est pas content. Mais ça s'est bien passé, mais as-tu juste fait... J'avais pas beaucoup de monde, mais ça s'est bien passé. Le concert a été chouette, tu vois, mais il y avait pas trop de monde, alors du coup il était pas content. Du coup, quand il m'a payé, il l'a fait à reculons. Ah ouais, en même temps, alors que j'avais pas eu du tout cette habitude-là au Québec, dans les autres endroits où j'avais joué. Et... Mais as-tu déjà travaillé, as-tu chanté à Montréal, dans ces endroits? Ouais, dans plein de petits bars à Montréal, ça s'appelait comment Club Soda? Ah non, c'est trop grand ça pour moi. Ah, tu connais? Ouais, carrément. Je connais parce que je suis un fan de Richard Desjardins. Ben, et j'ai son album au Club Soda. Il était à la Flèche d'Or demain. Demain? Oui. À quelle heure? Putain, 20h30. On va voir sur Internet. Richard Desjardins à la Flèche d'Or. Putain, je savais. Flèche d'Or, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, la Flèche d'Or. Ok, parfait. Ouais, j'ai dit hier à Chloé Mont, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit la Flèche d'Or, j'ai dit. Le corps est d'or, en tout cas, je me rappelle pas. Oui, il est là. Tu seras à la Flèche d'Or? Oui, la Flèche d'Or, c'est sûr. Toi, tu y seras ou? Non. Demain, je vais voir une petite pièce de théâtre d'une amie à moi. Donc, si je ne vais pas, je crois que c'est terminé. Bon, il y a plein de gens qui arrivent du Québec. Là, il y a Marie-Françoise Balavoine qui arrive aussi. Un pote de Facebook, là, un universitaire qui est fan de chansons, qui est arrivé, qui est venu à mon concert dimanche soir. Ah oui? Qui revient normalement ce soir. Un fan, vraiment. Un mec qui s'est mis fan sur Facebook, qui fait circuler des chansons. Tout, ok. Comment il s'appelle? Je sais plus. Est-ce que ça se peut que je t'ai entendu sur France Inter? Ah oui, il n'y a pas longtemps, on a passé. Sous les étoiles? Oui, je veux bien. Je veux boire un jus de quelque chose, d'ananas par exemple. Non, de. Mais c'est en étoile. Ah, ben c'est. Oui, c'est en étoile, ouais. C'est super. Ok, juste sous les étoiles, exactement? Ouais, on a fait ça en... Ben, il y a pas longtemps, il y a 2 mois. En avril, ouais, c'est ça, il y a 2 mois à peu près, ouais. T'étais avec une chanteuse aussi? C'est ça, comment elle s'appelle? Evelyne Gallet, ouais. Qui reprenait les chansons de Patrick Fonte. Exact, voilà. Exact. Exactement, c'était moi. Et puis le mec du samedi matin, là, il m'a passé 2 chansons, Philippe Meyer, La prochaine fois je vous le chanterai. Oui, exactement. Il a passé une chanson à la sortie du disque en début février. Et une chanson il y a 2 semaines là. Et là tu es rendu à ton 3e album si je... 4e. Quatrième album. Ouais, c'est le 3e qui est commercialisé, mais c'est le 4e en tout cas. Ok, il y en a un. Il y en avait un précédent qui était vraiment. Qui est complètement épuisé, quoi, que j'ai plus. Quel jeu de mots sur ton nouvel album, le titre de. La verve et la joie. Oui, exactement. La verve j'aime et la bien. Joie. J'étais content d'avoir trouvé ça. Mais tu disais, et j'ai lu dans les revues de la chanson que tu n'écrivais pas tes textes. Pas tous en tout cas. J'en ai écrit beaucoup au début, comme tout le monde. Mmh. Et puis petit à petit, à force de rencontrer des gens dont j'apprécie aussi ce qu'ils écrivaient, j'aime bien faire partager aussi ce que j'aime et les manières d'écriture qui sont pas les miennes. Donc j'ai toujours mis des reprises déjà des chansons du répertoire, on va dire, dans mes tours de chant. Et après, quand on me propose, qu'on me fait lire des textes, bon, je prends pas tout évidemment, mais voilà, il y a des gens qui se sont mis à écrire plus spécialement pour moi, ou bien qui ont écrit les choses vraiment sur mesure. Puis j'écris lentement, j'aime bien, enfin je jette beaucoup quoi. Donc du coup ça s'est mélangé entre mes chansons et les textes des autres, j'ai fait quasiment toutes les musiques. Et là récemment on m'a aussi offert des chansons clés en main, sur mesure, plus à parole et musique. Donc, mais toi voilà, t'avais déjà rien écrit là, on t'a proposé le truc et t'a endossé rapidement, t'as pas... Tu n'avais pas... Oh, je pinaille en général, je corrige un petit peu ce qu'on me propose ou j'oriente. Après, moi, j'étais aussi venu avec des textes à moi. C'est assez mélangé sur l'album, sur le dernier album, il doit y en avoir trois textes, trois paroles et musique à moi, deux ou trois dont j'ai fait que la musique, et 3 ou 4, et puis après des chansons qu'on m'a données à droite à gauche, une adaptation d'un poème de Bernard Dimet. Oui. Enfin voilà, j'aime bien mélanger tout ça, mais en général je garde au moins la patte, je fais gaffe que ça me corresponde bien et que ça me colle bien quoi, même quand c'est pas de moi, en général c'est fait sur mesure. Et puis tu aimes bien aussi lorsque on peut sortir l'album et la faire guitare voix, donc sans... Ah ouais, ça j'y tiens. Pour moi une chanson, si elle tient pas toute seule en guitare voix, c'est qu'il manque un truc. Okay. J'ai l'impression que le dénuement met à nu la chanson, quoi, on fait apparaître le squelette. Si le squelette tient, après on peut mettre tout ce qu'on veut autour, ça tient. D'ailleurs, le meilleur exemple, pas que je me compare, mais en tout cas, le meilleur exemple pour illustrer ce que je dis, c'est Brassens, qui a fait guitare-voix contre basse-voix, et il n'y a qu'à voir pendant depuis des dizaines d'années, toutes les sauces auxquelles ça a été mise, tous les arrangements en cubain, en jazz, tous les orchestres, que ce soit instrumental, chanteur, l'ont repris, et ça tient, parce que la chanson, à la base, elle tient, quoi. Un spectacle ce soir, c'est guitare-voix aussi ou s'il y a basse, guitare? Alors ce soir, c'est 2 guitares et voix. Okay. Il y a Lucas Rocher qui joue de la guitare avec moi sur scène et qui est aussi chanteur et a écrit son propre répertoire. Lui, il a tout écrit, paroles et musique. Il a 22 ans et je produis, voilà, j'ai produit son album. Et tu voulais me le... il va arriver peut-être. Oui, c'est ça. Mais voilà, du coup, ça fait deux concerts pour le prix d'un, quoi. En tout cas, les mecs qui prennent le spectacle, ils peuvent avoir Lucas Rocher soit en première partie, soit pendant mon set, soit un coplateau. En tout cas, vu qu'il est là pour m'accompagner, autant qu'il chante ses chansons à côté. Mais ça, c'est incroyable. On n'entendra pas ce qui se passe autour. C'est vraiment senti sur la voix. Non, mais parce que ça, des fois, c'est paniquant. Tu te dis, mais c'est merveilleux pour ça. Qui te l'a fait connaître, ce chanteur-là? Ça fait super longtemps. Là, il a 22 ans. Je le connais depuis qu'il a 16 ans parce que c'est le fils d'un monsieur qui tient un café-théâtre à Paris. Okay. Où j'allais voir Patrick Fonte, depuis qu'il était sorti de prison, il faisait un petit... un spectacle de cabaret avec Thierry Rocher, donc, qui tenait le grenier dans le 17e. Et donc, ce gamin, on peut le dire puisqu'il n'est pas encore là. Oui, c'est ça. 22 ans. Ouais. Il avait 16 ans et il se produisait avec son premier duo avec un pote à lui à la guitare. Et il faisait déjà des chansons qui se tenaient. Bon, évidemment, il a vécu dedans. Ses chansons à lui. Et il a vraiment vécu tout le temps là-dedans. Donc, il a eu le temps, quand il était petit, d'observer toutes les choses qu'il avait envie de faire, qu'il n'avait pas envie de faire, les hauts et les bas du métier de musicien. Il n'a pas les fantasmes de la gloire et tout ça. Il sait aussi ce que c'est que de galérer dans un petit café-théâtre et tout ça. Donc il s'est déjà débarrassé de pas mal de scories de jeunes chanteurs, donc ça lui fait gagner pas mal de temps. Ce qui fait que ses chansons, à 22 ans, elles sont déjà bien mûries par rapport à ce qu'il faisait à 16, et elles sont déjà bien au-delà de ce que nous assènent bien des trentenaires présentés comme le renouveau de la chanson française. Est-ce que tu peux nommer quelques noms? Non. Ok. Chose étrange, est-ce que chez vous, le mot chansonnier ressemble un peu à ce que l'on représente, à l'image que nous, on le non, je crois pas. D'après ce que je connais de l'expression chansonnier au Québec, les chansonniers ici, c'est vraiment les chroniqueurs politiques qui font des petites chansons d'actualité. Okay. Et entrecoupées de sketchs, etc. Comme qui? Les chansonniers, c'est ça. Bah, Fontébal, Patrick Font a fait ça pendant longtemps. Et puis après, tous les chansonniers du Caveau de la République ou du Théâtre des Deux Ânes, tu vois, c'est plutôt des spectacles à sketch avec des très courtes choses, des imitations, des parodies, des choses comme ça. Alors, si j'ai bien compris, chansonnier au Québec, c'est plutôt le côté chanson à texte, guitare-voix, voilà. Quelqu'un qui chante ses chansons. C'est ça, comme Raymond Lévesque. Comme, donc, ici, un peu Guy Béard. Guy Béard, pour nous, c'est un chansonnier. Voilà, Félix Leclerc. Ici, ça n'a pas exactement le même sens. Félix Leclerc, Lucas Rocher commence tous ses spectacles par une chanson de Félix Leclerc, par Le Petit Bonheur. Voilà. Oh, ah oui, pourquoi? Il est amoureux. Parce que bah ça lui plaît, on lui demandera quand il arrivera. Mais toi, tu connais un peu la réponse. Mais c'est des références, hein. Non, c'est des références comme ça. On a toujours vécu à la fois un pied dans les chansons qui se faisaient, qui se fait actuellement, quoi. Et en même temps, on a toujours écouté des chansons, on a des références, voilà, le père de Lucas, Thierry, Patrick Font et d'autres. C'est des gens qui nous ont inculqué aussi l'amour de Brassens, Félix Leclerc, Ferré, Renaud pour un peu plus jeune, etc. Renaud, et, c'est ça, ouais. Ah oui. Et du coup, il y a une espèce de filiation comme ça. On essaye d'en faire notre sauce entre la musique et les expressions, les manières de dire actuelles. Et on se sort pas complètement de l'héritage. Mais sur tes 4 albums, tu as composé combien de chansons en tout et partout? Oh, alors là, j'en sais rien. Sur le premier, quasi tout. J'en sais rien. Je dois avoir 45-50 chansons. Sur 5 albums? Ouais. Que tu as composé, toi? Que j'ai composé, il doit y avoir une quarantaine dont j'ai composé la musique. Paroles et musique, il y en a une trentaine, je pense. Et puis après, le reste, petit à petit, j'en ai plus jeté, moins écrit, plus pris des autres. Et là, il y a une, en tout, il y a une soixantaine de chansons qui ont tourné. Ok, mais t'es un type. Entre les miennes et celles des autres, quoi. Oui, mais t'es un type qui retravaille tout le temps, qui est jamais satisfait. En général, quand c'est fini, c'est fini. Okay. J'aime pas trop y revenir. Et je préfère refaire une chanson. Je me méfie un peu des chanteurs qui reviennent toujours sur leurs chansons, qui réécrivent moult versions et tout. Des fois, je trouve pas que ça soit très bonne à l'oeil. Ah ouais, mais une fois qu'elle était finie, elle était finie la chanson. Ouais, ça pouvait prendre 12 ans. Hein. Oui, voilà. Mais une fois qu'elle était sur scène, elle était sur scène. Alors qu'il y a des gens, ils font la chanson, puis 2 ans après, ils sont plus contents. Et au lieu de refaire une chanson, ils vont aller retriturer dans une qui était bien pour l'époque, mais qui leur correspond plus 3 ans après. Donc, moi, je préfère, je préférerais qu'ils en refassent une autre et qu'ils me laissent continuer à rêver sur celle-là qui, à cette date-là, voulait dire ça. Et voilà. Trouves-tu que toi, t'as à peu près la mi-trentaine? Mi-trentaine, t'es gentil. J'ai avoir 40 ans il y a 2 semaines. Ah, ouais, je suis plus vieux que toi, donc j'ai le droit de... trouves-tu que c'est difficile d'être chanteur et de vivre de son travail de chanteur? Ah bah ouais, carrément. C'est même de plus en plus difficile, mais en même temps, c'est des choix qu'on fait. Enfin, comment dire, c'est de la galère choisie, quoi. On galère, c'est sûr. Mais on fait ce qu'on aime, on a choisi les trucs et mais toi, tu fais juste ça, là, t'as pas un autre travail, plombier? Ah non, ça fait 13 ans que je fais que ça. Alors, en France, on a un système qui était assez, favorable, qui s'appelait pour les intermittents de spectacle. Ça se réduit un peu comme peau de chagrin, ce qui fait que là, par exemple, pour la première fois depuis bien longtemps, je ne suis plus intermittent depuis 6 mois. Okay. Je vais rouvrir des droits à l'intermittence dans 1 mois, mais pour 8 mois seulement, puis après, je ne sais pas. Donc c'est toujours remis en cause, c'est de moins en moins facile de ce côté-là. Mais après, de toute façon, c'est des choses qui sont précaires, quoi, parce que surtout si on le fait tout seul, quoi, si je m'arrête, il n'y a personne qui le fait à ma place. Si je m'arrête de chercher des dates, d'aller mendier 3 places dans un canard pour qu'on parle de moi à un journal. Mais toi, tu produis, et en plus, je produis des autres parce que je sais faire, parce que j'aime bien, et je me produis moi. Ouais. Est-ce que c'est de l'autoproduction ou si c'est au contraire une petite compagnie Ça reste une économie d'autoproduction. Okay. Après, pour pouvoir atteindre un certain niveau de financement, des quelques subventions, etc., on s'est structuré. Pendant 5 ans, j'étais associé à Kiwi Prod, avec qui on a produit donc Manu Gallure, Sarclo, un chanteur suisse, Thibaut Derien, Frédéric Fromé. Et donc ça, c'était une société commerciale. Mais bon, c'était quand même avec les moyens du bord. Là, j'ai arrêté ça l'été dernier et là, je viens de remonter Bacchanal Productions, qui est une association en fait, donc sans autre ressource que les miennes de toute façon, pour pour faire l'entourage, on va dire, administratif de, la, de l'histoire. Mais l'économie de base, c'est quand même une économie d'autoproduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de major ou de financement extérieur que ce que nous, on apporte. Quoi. Habites-tu à Paris ou Maintenant, j'habite à Paris, hein, juste en bordure de Paris, à Aubervilliers. Ok. Et j'ai toujours habité entre Paris et Toulouse depuis que je fais de la musique. Quoi. Je suis né en Auvergne, au centre de la France. Mmh. Et après, Toulouse, pour mon premier boulot, qui était éducateur. Et oui. Après, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Et j'ai toujours vécu entre Toulouse et Paris pour faire mes albums et mes tournées. Et tu disais que le métier que tu avais à l'origine avait bien changé. Donc, tu es bien content aujourd'hui d'être chanteur, c'est ça? Ah, mais je vois que monsieur s'est renseigné. Ben oui. Ouais, ouais. Ben, c'est-à-dire, éducateur spécialisé, c'est s'occuper du côté social et du côté prévention des délinquants, cas sociaux. Enfin, moi, ma partie, c'était délinquants et cas sociaux. Et on demande aux éducs, à l'époque, on demandait des projets vraiment individuels et de la réinsertion et de jouer aussi sur le corps social pour qu'il accepte, pour qu'il s'adapte aussi aux gens. Et là, on demande aux éducateurs de plus en plus de contrôle social et d'adapter les gens, que d'adapter les gens à la société et de faire le plus possible du gardiennage et de la répression plus que de la prévention. Et c'est pas pour ça que, voilà, et c'est pas pour ça que, j'avais choisi ce métier-là, que j'ai fait avec bonheur pendant 5 ans. Hein, et je suis pas parti parce que ça me plaisait pas, c'est juste que la musique a pris le pas à ce moment-là. Mais à l'époque, voilà, c'était un truc qui me passionnait, qui continue à me passionner quand j'en parle maintenant, quand et à m'intéresser. Mais est-ce que dans tes chansons, ça transpire un peu la misère humaine Bah, j'espère. En tout cas, le fond de personnalité qui fait que j'ai été éducateur, c'est le même qui fait que je suis chanteur et c'est le même qui fait mes rapports avec mes amis, mes amours, mes emmerdes. C'est, je sais pas, il y a une espèce de besoin de transmettre, de servir à quelque chose, Des fois, c'est chiant, ça fait un peu donneur de leçons, mais en tout cas... Ouais, d'avoir ce besoin, voilà, ce flambeau, d'un truc à passer, à être le moins inutile possible, à se faire croire que ça peut encore servir à quelque chose. Alors évidemment, du coup, quand Sarkozy est élu quand même, par exemple, ça fait un peu dépression parce qu'on croit qu'on se bat, on essaye de se faire croire que ça sert, et puis en fait, ça sert à rien, et puis c'est les méchants qui gagnent à la fin, et puis voilà, bon. Et puis bon, on se remet, puis on continue, et puis on se dit que si on l'avait pas fait, ça serait pire, et puis voilà, quoi. Mais toi, dans le fond, tu revendiques ce qui se passe de mauvais dans ta société, dans laquelle tu vis, dans le pays. C'est-à-dire, je le revendique. Non, je revendique non, pas ce qui se passe de mal, mais. Non, mais tu sens que. Je revendique que ça me concerne et que si je peux soit l'alléger, soit lui donner une expression qui fait que des gens le ressentent d'une manière qui leur donne envie de résister plutôt que de se coucher, et ben voilà, j'ai fait mon boulot. Est-ce que les gens qui vont te voir, c'est des... Ben, tu me l'as dit tout à l'heure, mais on n'était pas branchés. est-ce que c'est des assidus ou si constamment tu vois un nouveau public, tu vois des gens qui... Ben, heureusement, il y a la base d'assidus qui, après, font leur boulot de prosélyte, en part, leur ramènent du monde, etc. Plus ceux qui peuvent m'écouter, je sais pas, à la radio, par exemple. Tu disais qu'ils m'avaient entendu sur Inter, sur CKRL. Bien entendu. Les radios libres. En revenant aux radios libres, CKRL est la première radio libre francophone au monde. D'accord. Donc, en 73, les radios libres sont arrivées ici en 77. Les Français, les Belges, les Suisses sont venus voir comment on faisait notre radio, nous, à CKRL, pour pouvoir, après, les machines, savoir comment on... Et ouais, puis nous, ça a été libéralisé qu'en 81 ou 82. Exactement, mais c'est en 77 que tout a commencé ici, tranquillement, OK, dans les maisons, dans les sous-sols, dans les... Et après, ben, en 80, 81, 82, ben là, ça a explosé, mais ici, grâce à CKRL. Incroyable. Oui. Eh bien, merci CKRL parce que, bon, évidemment, ça s'est bien commercialisé tout ça depuis. Et dans des radios libres, il reste surtout Énergie, Skyrock et toutes les radios qui sont devenues commerciales maintenant. Mais, il reste quand même un bon réseau de radios vraiment libres et associatives dans toute la France. Alors, elles ont des audiences petites, mais elles sont partout, quoi. Et puis, avec Internet, elles ont un peu plus d'audience maintenant. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même les radios qui nous passent le plus. Alors, à part quelques antennes nationales, style France Inter, France Musique ou France Culture, où on passe de temps en temps de la chanson. Après, les vrais commerciales, Énergie, Skyrock et tout, ça, on ne passe pas du tout. Non. Mais par contre, sur tout le réseau des radios restées libres et associatives, là, on est vraiment playlistés. Et du coup, ça ramène du monde pour le coup de nouveaux publics. Voilà. Donc, du coup, il y a tout. Il y a les vieux, les jeunes. Puis bon, dans le répertoire que j'ai, il y a à la fois le côté homo qui amène des gens qui n'auraient pas forcément écouté ses chansons, il y a le côté militant qui amène quelques lutteurs, etc. Il y a le côté amoureux de la chanson à texte, on va dire, poésie, etc., qui peut venir. Donc j'aime bien mélanger, moi, ces publics-là. Et du coup, aller les chercher là où ils m'attendent pas, c'est-à-dire aller faire écouter à un syndicaliste des chansons un peu mieux écrites que le dernier slogan de la manif, aller faire écouter un amoureux de chansons françaises, bien poésie, des histoires d'amour qu'il a pas forcément l'habitude d'écouter, des histoires un peu crues, plutôt homo, et aller faire écouter à l'homo qui vient parce que telle ou telle chanson qui parle de lui l'a touché, des revendications politiques qui vont un peu au-delà de la conscience politique de Mylène Farmer, on va dire. Et du coup, voilà, d'aller remuer chaque frange de public qui serait venu me voir pour un truc ou un autre, et d'aller lui amener, d'aller lui rentrer dedans pour lui amener quelque chose qu'il aurait peut-être pas entendu si j'étais pas venu là avec ce bagage-là un petit peu multiforme, quoi. Mais pourquoi tu prends ton orientation comme flambeau J'ai pas l'impression de le prendre plus comme flambeau. Mais t'en parles souvent. Je sais pas si je parle plus souvent d'homosexualité que Aznavour parle d'hétérosexualité, par exemple. Je pense que Aznavour porte son hétérosexualité en flambeau beaucoup plus que je porte mon homosexualité en flambeau. Ben, disons parce que la visibilité est autre, mais... Mais quand on dira que mes chansons, c'est des chansons d'amour et pas des chansons de PD, c'est que ça sera gagné et qu'il n'y aura pas... Voilà. Mais il se trouve que pour l'instant, chaque fois qu'on en parle, eh ben, ça paraît une revendication, alors que c'est pas plus revendiqué que Aznavour... Hop, et nous accueillons Lucas Rocher, voilà. À droite sur votre écran, voilà, pour oui, ceux qui ont la couleur. Effectivement. Et qui commence son spectacle avec une chanson de Félix Leclerc. Allez, effectivement. Le petit bonheur. Trois effectivement en 3 secondes déjà. Excusez-moi, je viens d'arriver, je me suis fait inviguer une mauvaise rue, tout ça. Ah mais Non, mais en fait j'ai pris la rue dans le mauvais sens, okay. Tout simplement. Ce qui doit beaucoup intéresser ceux qui nous écoutent. Non, mais... Ah oui, parce qu'au Québec, la rue Oberkampf, elle est hyper connue. Exact, mais moi je suis... Je me suis pointé ici en métro tout à l'heure et il y a eu une alerte à la bombe. Donc j'ai fait le reste à pied, 27 minutes. Donc, bah, ça, c'est... 25 et c'est la deuxième minutes. En 2 jours. C'est quand même pas il y a beaucoup de bombes. Oui, effectivement. C'est de la bombe. Et voilà. Et toi, tu ouvres ton spectacle avec le petit bonheur, effectivement. Pourquoi? Bah, c'est pas tellement un hommage à Félix Leclerc au départ. Moi, j'ai pas de. Je l'ai peu écouté, mais par contre, c'est une chanson qui s'est pointée. Dans les gens avec qui je travaillais, en fait, qui la jouaient très souvent, notamment Patrick Fonte. Et puis, c'est une chanson qui parle de la rencontre, la montée, la chute, la petite morale à la fin. En fait, ça regroupe à peu près tout ce dont je parle ensuite, en fait. Et tu as commencé à faire de la musique très jeune, à 16 ans. Effectivement, vous êtes bien renseigné. Oui, mais en fait, c'est ton producteur qui va quand même aligner avant... Mais je sais pas si c'est très jeune, 16 ans, en fait. Pour ça commencer dépend, la musique. Effectivement, c'est un début. Parce que j'ai pas eu de formation de conservatoire du tout. Okay. En fait. Et alors, comment tu t'es adonné à faire de la musique? Moi, je traînais avec des gens qui étaient plutôt dans les cabarets d'humour, en fait. Donc, c'était pas du tout lié à la musique. Alors, Alors, j'ai beaucoup d'humour. Ok, mais t'en fais pas. C'est ça, t'as de l'humour dans la vie. J'adore l'humour. Voilà, j'adore l'humour. Ouais. Okay. Et sinon, en fait, les seules scènes qui se présentaient à moi au début étaient des scènes humoristiques, donc simplement j'y suis allé jouer mes chansons et j'y ai mis 2-3 trucs un petit peu rigolos. Dans l'écriture, il y avait déjà un peu de second degré, et dans les transitions aussi. Donc, du coup, je me suis faufilé comme ça, et puis c'est là où j'ai rencontré notamment Nicolas Bacchus. Okay. Et tous les gens que j'ai rencontrés après, c'était sur ces petites scènes plutôt humoristiques au départ. Du coup, c'est toujours teinté de spectacle, ce qu'on fait l'un comme l'autre d'ailleurs. Mais est-ce qu'en spectacle, vous vous croisez, vous montez en même temps, vous faites quelque chose ensemble, ou si tout au contraire, toi tu fais la première partie, lui fait la deuxième partie, est-ce qu'il y a de l'alchimie? Il n'y a aucune alchimie. Okay. Non, il n'y a aucune alchimie, on essaye quand même régulièrement d'aller gâcher une chanson ou l'autre de l'autre et de monter sur scène pour faire chier. Est-ce qu'il y a des duos qui peuvent se... Et sinon il y a des duos, mais c'est plutôt des chansons tristes et chiantes. Ah. Non, on en fait quand même 2-3. Et sinon, mais en fait, moi j'ai 2 casquettes parce qu'en premier lieu, je suis chanteur et après, je suis guitariste avec Nicolas. Donc, de toute façon, on se croise, mais moi je suis pas sur le même. Moi je dirais qu'en premier lieu, il est mon guitariste et qu'en second lieu, il est chanteur. Voilà, et il se trompe d'ailleurs. Ah, ouais, d'accord. Alors lui, mais j'ai tort. Fait confiance si un jour il se souvient plus d'un mot et vice versa. C'est un deal. Ok, un deal. Mais est-ce qu'il y a une réaction, je veux pas non plus être chauve, hein, mais est-ce qu'il y a une réaction quand tu chantes la chanson de Philippe, ça passe inaperçu? Si, elle passe, mais en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup de gens l'ont entendu en enfant en fait. Okay. Et du coup c'est... Surtout voir un garçon de 22 ans chanter... Et voilà aussi, et puis je la réadapte, donc c'est... La réadapter... Ça aussi, c'est pour ça que je commence le spectacle par ça, c'est parce que j'adore réadapter des vieilles chansons. Mais la réadapter dans quel sens? La réadapter parce que je la réincarne comme un gars d'aujourd'hui de 22 ans et que okay. je roule plus les airs comme il le faisait, etc. Et que du coup les gens de mon âge n'ont pas l'impression d'écouter quelque chose de vieux et de devoir s'écouter poliment, et ils écoutent vraiment la chanson. Et ceux qui la connaissaient d'avant sont contents de l'avoir rafraîchie un petit peu. Alors bref, toi t'amènes un public, lui amène un public, toi c'est dans la vingtaine, monsieur dans la quarantaine, donc ça fait... C'est pas vrai du tout. Non, d'accord. ah, c'est pas ok. Non, il y a vraiment de tout qui vient pour les deux. Il y a des vieilles, il y a des vieilles qui adorent le côté jeuneau de Lucas Rocher, okay. et il y a des petits jeunes qui aiment bien mon côté quarantenaire grisonnant. Il y a pas de... Il y a aucun... Mais j'ai aussi mes vieilles, okay. et Lucas, ses admirateurs. J'ai aussi mes admirateurs. Et admirateurs. Ah oui, bah oui. Non, après sur le côté réadapté, il n'en a pas parlé, mais il réadapte aussi, c'est un bon guitariste, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi je m'accompagne Glinglang, quoi. Et du coup, un gratteux, il a... comme on dit au Québec. Voilà, moi c'est plutôt gratteux. Ouais. Et, non, mais j'aime l'image du gratteux. Voilà. Et donc, quand il réadapte les reprises de Brassens, moi je l'ai connu entre autres sur ses chansons, mais aussi sur des reprises de Brassens et autres, il y met pas mal de coups de balai, on va dire, en tout cas de réadaptation musicale. Il y a des couplets qui s'accélèrent, des petits breaks, des petits... Okay. Musicalement, c'est assez... c'est pas bâtard le mot que je cherche, c'est beaucoup plus positif que ça. Non, c'est un mélange. C'est un mélange des influences de musique qu'on peut écouter aujourd'hui et de la chanson originelle. Okay, okay. Et puis la rencontre fait quelque chose d'assez... c'est la remettre au bout du moment. Et ouais, même il explore les reprises avec bonheur. La désacraliser aussi, tout simplement. Oui, parce que oui, c'est vrai que moi, les monuments, vous savez. J'aime bien reprendre des grands chanteurs, mais c'est vrai que. Enfin, des grands auteurs, en tout cas, mais c'est vrai que c'est. Moi, je les prends pas comme des statues ou des choses figées. Est-ce que c'est le seul que tu as pour Félix? Je reprends aussi. Non, c'est la station, c'est la... Je reprends, ouais, bon, Brassens, Félix Leclerc et Patrick Fonte, principalement, en fait. Ok. Alors, vous avez quand même un lien en commun, Fonte. Ah bah oui, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Ouais. Alors ça a été pour vous vraiment... Un mentor, on peut dire. Pourquoi pas. Et aujourd'hui, vous le réactualisez, vous le montrez à... Ouais, on continue à chanter ses chansons. Et... C'est comme s'il était mort. Les hommages... Mais c'est vrai que c'est différent, parce que moi, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a un lien affectif depuis longtemps, parce qu'il a traîné avec la famille, et puis là, du coup, il a été vraiment pestiféré avec ses histoires de prison. Et le truc, c'est que moi, j'adore sa façon d'écrire, et que je fais vraiment un distinguo entre la personne que j'aime beaucoup et la personne qui a franchement déconné et que je peux pas soutenir à ce niveau-là. Mais justement, j'aime bien reprendre ces textes hors contexte complètement, parce que c'est des très beaux textes. Mais encore là, faut mettre en parallèle la vie privée et la vie d'artiste. Le problème, c'est malheureusement, on n'a pas compris ça avec Quentin, qui a payé sa... Et d'autres, par exemple. Ouais, et d'autres, oui, mais celui aujourd'hui que... Ouais. On a parlé beaucoup à Québec, c'est la personne qui a... Et c'est malheureux parce que il a payé sa part. Fond, c'est un peu le même. Voilà, même c'est genre ça, exactement. De festifération. Pour les deux, mais allons avec le patriarche. ça, c'est moi, ça. C'est gentil. Patriarche en même temps. Oui. Je ne les fais pas en même temps. Il m'a donné 35 ans tout à l'heure. Effectivement. Et oui, mais... Pourtant, il s'était renseigné, il a lu la bio et tout. Oui. Non, mais j'ai écouté France Inter aussi, sur les étoiles exactement. Et j'ai entendu, tu as été à trois reprises à cette émission-là. Et quatre fois. Ouais. Mais à un moment donné, après ça, je vais revenir avec ma question sur la création. Tu lui disais, pourquoi vous m'avez pas invité pour mon... L'album précédent, ouais. Alors? C'est ça. Ben, j'ai jamais su, il se souvenait pas trop non plus. Es-tu content de ton avant-dernier album? Ah ouais, carrément. Okay. C'était un autre style, tout ça, mais moi j'en étais content aussi. Mais est-ce que les paroles étaient foncièrement plus revendicatrices? Moins, beaucoup moins. Ok. Moi, je pense que c'est peut-être ça, c'était beaucoup plus propre et beaucoup plus sage comme album. C'était beaucoup plus musical, il y avait des invités partout, et les textes étaient... Il y avait deux tiers de textes d'un auteur qui s'appelle Erwan Temple, c'est celui qui a écrit dans le dernier album le duo avec Anne Sylvestre. Oui. Et voilà, c'était une autre écriture, plus poétique, plus imagée et tout ça. Donc il y a des gens à qui ça a plus plu, d'autres moins, et voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, que j'ai fait avec plaisir, et d'ailleurs on en chante régulièrement de cet album-là aussi. Au niveau de la création, est-ce que c'est les mots qui t'amènent la musique ou la musique qui t'amène les mots? Moi, c'est plutôt les mots. Je viens plutôt du texte. J'ai toujours écouté des gens qui chantaient ou même faisaient que parler et étaient voilà, j'ai toujours été porté par cette priorité-là au texte. Et après, je tords la musique dans tous les sens jusqu'à ce que ça colle à ce que je veux faire dire au texte. Même s'il faut rajouter une mesure, un temps ou quoi, ça fait beaucoup chier les musiciens qui m'accompagnent. C'est pas carré, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est sur cette mesure, et bah tant pis, c'est sur cette mesure. Mais en tout cas, ça dit ce que je veux dire dans le tempo et au moment où je veux le dire. Et tu l'entends presque, tu écris et tu l'entends presque chanter. Alors c'est... ça, c'est dans les meilleurs des cas, les chansons qui viennent le mieux et le plus vite. Je pense qu'on pense au droit d'auteur. Quand on pense au droit d'auteur, la musique et les mots viennent. Ah oui, c'est effectivement, ça sort dans la au mieux, la musique vient en même temps, elle fait écrire la ligne suivante, puis les mots suivants, pour venir la ligne musicale suivante, etc. Ça arrive des fois, puis d'autres fois, on en chie. Combien de temps une chanson, normalement? Alors là, il n'y a pas de règle. C'est même pas juste du tout, c'est assez dégueulasse parce qu'il y a des chansons sur lesquelles on en chie pendant des dizaines d'heures réparties sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et puis bon, on arrive à quelque chose de sympa, honorable, dont on est relativement content, on ose le montrer, mais bon, voilà. Et puis des fois, on se lève le matin, et puis en 20 minutes, il y a un truc qui sort, et puis c'est fini, et puis en 20 minutes, et c'est bien mieux que ce qu'on a fait en besognant, en s'acharnant sur un texte pendant des heures, et finalement, on arrive à des résultats presque communs, mais quand même avec un petit plus à celle qui est venue en 20 minutes, et donc c'est pas juste du tout, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est le subconscient qui écrit nos chansons. Oh, ok, freudien, mais... Ah, oh, merde. Mais toi, est-ce que c'est... Là, ça va venir... Ça va devenir chiant, hein, changer de station. Non, moi, pareil, il n'y a aucune règle, quoi. Aucune règle. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les mélodies, je suis hyper attaché à ça. Il est plus musicien que moi. Hein. Ok. Mais toi, t'as pas de formation, t'as appris par toi-même? Voilà, oui. J'ai appris par moi-même et par tous les gens qui m'ont enrichi, donc pas tout seul quand même, avec tous les gens que j'admirais. Et puis les profs que j'ai eus ici et là, surtout les bons, je retiens surtout ceux-là. Sinon, non, mais moi j'avoue que j'ai absolument aucune règle non plus. C'est tu fredonnes et puis à un moment, même moi je sais que j'ai un refrain sur mon disque, là, c'est la chanson qui s'appelle Tomber. J'ai juste chanté le refrain un jour sur une musique que j'aimais bien, il avait aucun sens. Et j'ai écrit la chanson qui lui donnait sens autour et que je trouve assez sincère finalement. Mais c'était juste un bout de refrain chantonné comme ça. Donc c'est rigolo, il n'y a pas de règle en fait. Et toi, à 22 ans, la meilleure chose que tu vois, c'est de continuer dans la musique, de chanter, de poursuivre, de tenter, ou si tu veux trouver un métier à côté, puis peut-être... En fait, j'ai juste envie de réussir à retranscrire ce que j'ai dans la tête, en fait. Ça peut être de la musique, je sais pas moi, du dessin, du cinéma, j'en sais rien, en fait. Mais là, en l'occurrence, on se dirige vers la musique, ouais. Et t'as une formation artistique, ou au contraire, t'es vraiment... Moi j'ai fait beaucoup de théâtre en fait, et j'ai pas tellement aimé ça, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. J'allais dire un truc québécois au cégep, à l'école ou... Non, j'ai fait 50 de théâtre, et même après mon père était avec beaucoup de gens de théâtre en fait, et c'est un milieu que j'aime très peu en fait. Okay. Et les gens qui le font, la plupart du temps évidemment, il n'y a pas d'exception, mais les gens qui le font, et puis la façon dont c'est utilisé, le côté un peu branlette, je saurais pas vraiment dire ça, mais oui, moi je suis pas je dis pas soyez autodidacte non plus quoi. Je pensais bien avoir des initiateurs et j'en ai eu 2-3 bons, comme tous les autres. C'est grâce à tes parents, puis à l'entourage de tes parents, à tes rencontres aussi. Ils m'ont aidé un peu, on va dire. Okay. Ouais. Non, mais ça t'a donné un peu la flamme, ça t'a amené la direction. Sûrement, ouais. Sûrement, je saurais pas le dire, ça. Okay. Est-ce que ton album est disponible au Québec ou j'en ai pas entendu parler? Sauf sur Internet, sans doute. C'est sur Internet, la distribution de nos albums, en fait, c'est un label indépendant, c'est un distributeur indépendant en France qui s'appelle Mosaic Music. Et a priori, ils distribuent que sur la France métropolitaine. Okay. Du coup, quand on est au Québec, par contre, on peut l'avoir donc sur la boutique de la production, Bacchanal Production. Qui est disponible en allant sur le site. On peut le commander. Du coup, comme l'interface elle est faite pour la France, vous payerez que 2 euros de frais de port, alors que ça va m'en coûter 10, mais c'est pas grave, on vous l'enverra quand même. Est-ce qu'on va avoir le disque? Alors, c'est pour acheter le disque. Okay. Par contre, si on veut juste les chansons à télécharger, ça par contre, c'est distribué partout, sur toutes les plateformes de iTunes, Deezer, je sais pas ce qu'on écoute le plus au Québec, mais en tout cas, les plateformes de téléchargement et les plateformes d'écoute, les sites d'écoute en ligne, là on est partout par contre. Mais si on veut le posséder physiquement, oui, l'album avec le livret, sur ton site. Voilà, c'est sur bacchanal-prod.fr. Bacchanal au pluriel et CCH, je tiens à dire, parce que tout le monde fait des fautes. Oui, mais le mieux, les bacchanal, il suffit d'être pas trop analphabète, les bacchanal sont les fêtes de Bacchus. en 2011. Mais non, on est au Québec, en 2011, les gens sont beaucoup plus éduqués. peut-être pas éduqués, mais beaucoup plus francisés, sans doute. Ouais, ils ont plus de respect pour la langue française qu'en France. Mais ça s'est amélioré. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de pharmacies et moins de drugstores. Donc, ça s'est amélioré. Les pressings, j'en ai pas encore vu. Donc, en 89, j'en voyais davantage. Ce que je voulais vous demander, c'est que vous êtes en duo. Vous faites un projet en duo depuis quelques temps, depuis que tu produis. Ouais. Hein? Et donc, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un jour, vous allez passer au Québec pour nous présenter ce que vous... Ben, j'aimerais bien, d'autant que je suis déjà venu en 2008 avec... On l'a avec, dit hors micro, alors j'aimerais... Manu Gallure. Oui, OK. On a fait quelques cabarets dans Montréal, plutôt des cafés-concerts, mais vraiment des bars. On a fait l'Intendant à Québec, oui. Manu Gallure avait été engagé au festival de Tadoussac, oui, oui. Loin là-haut. Et le meilleur endroit où on a joué, c'était Trois-Rivières, quand même. On à a quel été endroit? Super bien accueillis. Okay. Le Zénob, ça s'appelait. Oui, okay, un bar. Et donc, vous savez que d'une part, j'ai quelques contacts. D'autre part, j'ai un cousin qui vient d'émigrer dans le Yukon, oui, okay, et avec une communauté francophone, et où une copine suisse qui est là-bas aussi organise des concerts. Okay. Donc on a déjà une petite base de public dans le Yukon. Et puis voilà, après le truc, c'est le billet d'avion, c'est d'essayer de trouver un arrangement avec tous les organismes francophones qui aident ça. La francophonie. Voilà, je vais essayer de rencontrer aussi des gens qui font tourner les artistes là-bas, et normalement on devrait arriver à aller au Québec quand même. C'est ça, mais ça risque d'être le duo que tu vois. Si on y va, autant y aller tous les deux, qu'on présente nos deux tours de chant, plus les petites choses qu'on fait ensemble, c'est plus marrant de voyager comme ça. Alors ça va ressembler un peu à ce que vous allez faire tout à l'heure. Tout à l'heure, ce soir, dans un bar à Paris, et tout le mois de juillet, au Festival d'Avignon, tous les soirs. Vous partez à Avignon très bientôt, là. Mardi. Mardi, oui. Et vous allez faire ça tout le mois de juillet. C'est ça, du 8 au 31 donc, juillet, tous les jours. Peut-être... Ça va être bien rodé. Mais oui, mais c'est... On va y rencontrer des programmateurs et des tourneurs, y compris du Québec. Oui, et l'année prochaine, c'est parti. On se voit au Québec. Voilà. Mais j'espère bien que le printemps ou l'été prochain, on arrivera à faire cette petite tournée québécoise. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'y revenir. Mais toi, ça fait 14-15 ans que tu es dans ce métier-là. C'est ça, 13-14. Ouais. 14, ouais, si je me fie à ton encyclopédie cybernétique. Moi, 18. Eh bien oui, depuis l'âge de 16 ans, donc on peut faire vite le calcul. Au Québec, on n'est pas fort sur le calcul, mais sur les mots. Mais ça fait 4 ans, je crois, rapidement comme ça. 6, merci. De 16 à 22, ça fait 6. Voilà. Exactement, j'ai terminé. Si tu as réussi tes mathématiques, mais est-ce que tu sens dans tes albums une évolution ou au contraire, tu as les mêmes idées, les mêmes préoccupations, les mêmes... Les deux. Je crois que, comme tout le monde, les deux. C'est-à-dire qu'il y a les préoccupations ou les choses qui nous fondent, on va dire, ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, l'envie de transmettre, de convaincre, d'avoir des choses à porter, de pas se sentir trop inutile, etc. Et l'histoire, les histoires d'amour aussi, un peu décalées, qui font que, même si on essaie de pas en faire un étendard, et il se trouve que comme c'est minoritaire, c'est parfois entendu comme un étendard. Mmh. Donc il y a des bases communes. Après, il y a l'évolution dans la manière de le dire, dans la manière de le porter, plus ou moins à coup d'épaule, plus ou moins revendicative, ou plus ou moins en douceur, plus ou moins en poésie ou en rentre-dedans. On explore différentes manières de dire et de faire passer les choses. Et après, dans l'évolution, il y a aussi la construction d'une identité qui est propre, c'est-à-dire sur les premiers albums, les articles c'était on retrouve du Renaud, du Souchon, etc. Et petit à petit, dans le quatrième, j'étais content de voir des articles qui disaient on retrouve du Nicolas Bacchus. Ah oui. Et qu'à partir du moment où on commence à se ressembler, c'est tout à fait. Enfin, je renie pas du tout le fait où je reproche pas aux gens de ressembler à un tel ou un tel. Je trouve que c'est normal dans l'évolution. On commence en écoutant plein de trucs, on en fait sa sauce. Mm-hmm. Au début, on retrouve beaucoup des influences et petit à petit, la sauce devient personnelle et ça prend la couleur de, voilà, qui nous définit. Souchon aussi, comment il ressemblait à quelqu'un d'autre quand il était tout petit. Et puis maintenant, c'est Souchon. Et puis voilà. C'est donc vrai. Ceux qui ressemblent à Souchon au début, et après ils vont ressembler à eux-mêmes. Mais moi je chantais comme Renaud au début, parce que j'avais tellement écouté ça. J'avais vraiment des accents comme ça et ça s'entendait. Et même dans la manière d'écrire. Voilà. Non, je faisais pas jusqu'à tatatin, même si je sais faire, j'adore faire ça. Mais petit à petit, voilà, l'évolution, elle est dans la manière d'exprimer des préoccupations qui sont constantes, de trouver quelques autres angles et la manière de s'approprier quand même de plus en plus ce qu'on fait, d'assumer de plus en plus les petites choses qu'on prend comme des défauts, qu'on essaye de gommer au début, mais dont on s'aperçoit après que c'est effectivement c'est ça qui fait que c'est justement moi et pas quelqu'un d'autre qui chante. Voilà, l'évolution est plutôt là-dedans, dans la forme. Est-ce que dans la production, tu envisages d'autres artistes, ou au contraire, comme ça coûte peut-être très cher, sans doute très cher? Tu focuses sur ceux que tu appuies actuellement? Ben, encore une fois, les deux. C'est-à-dire, j'ai envie tout le temps parce que je découvre des gens, parce que j'ai toujours aimé ça, et puis ça coûte très cher, donc du coup, je peux pas. Et donc, du coup, pour l'instant, je me contente effectivement. Là, on a déjà bien des dettes partout. Pour l'instant, il y a Lucas et moi dans Bacchanal Productions. Donc, non, il y a des dettes. Il y a des dettes partout. Okay, oui. Et on va essayer, là, au Avignon, pour trouver des dates partout. Okay, et les dates vont éponger les dettes. Mais en allant à Avignon, c'est quand même bien. Ça, pas les doutes. Il n'y a pas de doute, les dettes vont éponger les dettes. Non, mais ça va renflouer les coffres. Bah écoute, normalement non. Normalement, Avignon, ça coûte très cher et ça vide les coffres. C'est ce qu'on mais ça permet de trouver des dates pour les remplir après. Cela dit, cette année, on fait Avignon dans un cadre spécial, puisque c'est le cinéma Utopia, qui est un cinéma militant, qui a une petite chaîne dans plusieurs villes de France, qui programme 4 ou 5 spectacles tous les ans et qui nous prête la salle au lieu de la louer. Alors qu'à Avignon, il faut savoir quand même que ça coûte entre 3000 et 6000 euros pour louer un créneau de 1h30 par jour pendant 3 semaines. Mais c'est des amis à toi? Non, c'est des gens qui choisissent, c'est des gens qui militent, qui choisissent les spectacles qu'ils aiment et qui leur offrent d'aller à Avignon, qui choisissent des spectacles qui n'auraient pas forcément fait Avignon parce qu'ils n'auraient pas eu les moyens financiers et qui leur offrent la salle pendant 3 semaines. Alors, voilà. Donc il n'y a pas de location, après on a trouvé un logement pas très grand certes, mais pas très cher non plus, donc on fait Avignon avec le moins de dépenses possible et du coup, bah, même si on a, on aura le monde qu'on aura, mais en tout cas on ne devrait pas trop se ruiner. Le profit va directement à vous, donc... On en reverse de quoi payer l'électricité à la salle, mais c'est tout. Ah mais c'est bien, parce qu'en plus ça va te faire connaître, là-bas c'est... Ça fait 4-5 fois que j'y vais, 4 fois que je fais Avignon, le Festival d'Avignon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmateurs, il y a beaucoup de public, il y a toujours des gens pour découvrir, donc ça sert, j'espère que ça sert encore à quelque chose. Oui, mais en plus au Québec on a un festival plein air, donc éventuellement le pigeonnier qui peut rassembler 2-3 000 personnes est un endroit idéal pour la relève, pour les gens qui veulent s'exprimer. C'est vraiment, au Québec c'est pas les mêmes échelles, hein. Pour vous la relève c'est 2-3 000 personnes, nous c'est entre... entre 10 et 30 personnes quoi, quand c'est les découvertes. Mais je veux dire, on fait des shows, des spectacles pour la relève, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas connus. Donc, j'adore ce mot là, de la relève. Il y a un autre mot qu'on utilise et c'est la... J'ai toujours entendu la relève et ça me plaît bien comme terme. Ici, on ne sait pas trop quoi dire. Il y a la nouvelle émergent. Mais je préfère émergent à la relève parce que très souvent, les gens qui sont de la relève n'arrivent plus à se relèvent pas tellement. C'est bon à un moment donné, mais il faut. Ah, ici, c'est nouvelle chanson française. Alors, c'est la nouvelle chanson tous les 50. Et puis, alors, du coup, quand t'es plus la nouvelle chanson, t'as encore plus de mal à tourner parce que t'es plus une nouvelle chanson. Mais t'es quand même pas ancienne non plus. Puis en même temps, t'es pas vraiment une découverte parce que il n'y a jamais personne qui t'a vraiment découvert. C'est très difficile. Ouais, voilà, c'est ça, c'est très difficile, on peut le dire poliment. Sinon, on dit c'est la merde. Mais si toi, tu as décidé de faire ça, de te consacrer à ça, c'est... Ce que je t'ai dit au début, c'est la galère choisie. On sait que c'est la merde, mais en même temps, c'est quand même du luxe de faire ce qu'on a choisi de faire, y compris avec les galères que ça suppose. N'empêche que, je fais pas... un boulot qui me plaît pas et au bout de 12 ans ou 15 ans, on me dit, je me dis que ça me plaît pas, mais quand on me dit alors change, je dis non je peux pas, j'ai le crédit de la maison, j'ai les enfants, et puis nanana, et puis il y a peut-être des gens qui disent je peux pas, alors qu'évidemment on peut, quand on essaye on s'aperçoit qu'on peut. Mais quand on est homo, on n'a pas d'enfants déjà, c'est moins de frais. Je suis homo, je suis pas stérile. On peut. Bon, faire une droite à gauche, surtout à gauche. Non mais on peut les adopter. Oui c'est vrai aussi. Il y a des très bons enfants d'intérieur aujourd'hui. Très bon modèle. On peut en acheter. Ils font le ménage, ça. Ça dépend d'où ils viennent. Mais on va couper ça au montage. On peut couper ça au montage. Ça dépend des cheveux. Vous nous l'enverrez. Ça me surprendrait grandement que je coupe ça au montage. Ça va faire quelque chose de croustillant. Alors, la tournée, ça se fait à Avignon, ça se fait à Paris, ça va se faire à Québec éventuellement. À Paris, pas trop, parce que ça coûte cher de jouer à Paris. Mais on joue à Paris dans les bars. Après, la plupart du temps, c'est quand même en dehors que les gens... ont des sous pour payer les musiciens, l'envie de les recevoir et de les recevoir bien, etc. Parce qu'à Paris, il y a tellement de demandes et tellement de musiciens qui veulent jouer Les mecs qui font jouer, en général, ils louent les salles. Tu payes pour jouer au lieu d'être payé pour jouer. Et puis, comme ils te reçoivent au milieu de 15 autres, et puis si c'est pas toi, c'est un autre, et puis que la veille, ils en ont eu un autre, et le lendemain, un autre, ils s'en branlent un peu. Puis si tu manges mal, c'est pas grave et tout. Alors qu'ailleurs en France, les gens, bah, quand tu viens, c'est une fois de temps en temps. C'est un événement pour eux autant que ça. Que c'est important autant pour eux que pour toi. Il y a une espèce d'équilibre du besoin que les deux ont l'un de l'autre, qui fait que c'est vachement plus honnête en général. C'est-à-dire on est bien reçu, on mange bien, et les gens font ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien, et nous on a vachement plus envie aussi de faire ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Alors que voilà, dans la plupart des salles à Paris, qui sont la plupart du temps des garages, c'est-à-dire des salles qu'on loue, les mecs s'en foutent et... Bah c'est pour ça qu'on joue dans les bars justement ce soir et des autres soirs. Moi j'ai quasiment arrêté de jouer dans les salles payantes parce que voilà, dans les bars, bah, le mec il sait qu'il va ramener un peu de monde et vendre sa bière grâce à nous. Nous on sait qu'il va ramener son monde, et puis que si ça marche, ça marchera pour les deux, et si ça marche pas, ça marchera pas pour les deux. Tant que l'équilibre entre le besoin et ce qu'on peut apporter l'un à l'autre marche, ça va. Quand il y en a un qui se sent écrasant, ça va. Mais les spectacles plein air, vous ne pouvez pas à Paris vous placer avec peut-être un... Oh, il y a des gens qui font ça à Beaubourg, ailleurs. Moi, ouais. J'ai joué longtemps dans la rue, à Toulouse surtout, plus qu'à Paris. À Paris, j'ai très peu joué dehors. Mais à Toulouse, il fait meilleur déjà. Okay, ouais. Et puis j'aime bien, moi, pour moi c'est la bonne école, c'est la rue, les cafés, les bars et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai appris mon truc. Tu peux aussi vendre tes disques, bien sûr, ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que tu crois y retourner ou au contraire c'est... Je le fais de temps en temps, enfin, ah, oui, ça me... ouais, j'aime bien. Est-ce qu'il faut un permis ou si tu te diriges directement Oh non, enfin il faut. Il y a pas. Dans le métro à Paris, il faut un permis. Oui, un permis, oui, mais à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il faut pas de permis, mais après t'es à la merci de l'envie du flic qui passe, quoi. Ah oui, ok. En théorie, c'est pas super permis, enfin ça dépend. Jouer dans la rue, c'est pas interdit. Ouais. Faire la manche, c'est plus ou moins interdit. Il y a des arrêtés anti-mendicité régulièrement dans pas mal de villes. C'est pas qu'une question de bruit, c'est vraiment là, c'est vraiment à la. Le flic à l'intention, ouais. Ouais, c'est vraiment à la merci du flic qui veut. Ben qui alors... veut pas, quoi. Éventuellement, allons-nous avoir un album concert parce que c'est là qu'on... Alors, il y a déjà eu un live, le deuxième album était un album en concert. Ok. Et là, on vient de faire une date au 3 Baudets à Paris, avec, qui a été enregistrée, filmée. Donc, on va sûrement en sortir des bouts. Alors, on ne sait pas encore si ça va être vraiment un DVD complet. En tout cas, on a ce qu'il faut pour faire, pour en présenter pas mal de morceaux en live. Ouais. Alors, on va retrouver tous les albums que tu as fait. On va retrouver... Lucas, qui a fait la première partie au 3 Baudets. Donc, il y a aussi, avec deux musiciens à lui. Okay. Là, c'est une version large, quoi. Lucas est en trio avec un violoniste et un harmoniciste, et moi je suis en septet avec piano, guitare, basse, batterie, trompette, violon. Ouais, c'était la grosse formation. La même que sur le disque, c'est en fait. C'est merveilleux. Est-ce que ça a bien fonctionné au 3 Baudets? Ça a bien fonctionné. C'était complet. Il y avait des gens debout et tout ça. Non, mais c'est une salle extraordinaire pour les gens qui veulent percer. Non, c'est pas grave. C'est un endroit idéal pour les gens qui veulent percer, les gens qui disons que ça a déjà... retour du 3 Baudets. Ouais, voilà, ça a déjà une histoire, oui. Et puis après ça a fermé longtemps. Ouais. Et là, Julien Massoul, qui le dirige, a été un mec qui a une asso qui s'appelle Life Live in the Bard, et qui est un mec qui a fait tourner, qui a moralisé un petit peu les musiciens dans les bars depuis de nombreuses années, donc qui sait ce que c'est que de galérer, ou la scène émergente justement, ou la relève. Parce que bah, c'est lui qui m'avait reçu il y a 15 ans, la première fois que je suis venu à Paris, pour me faire tourner dans quelques bars. Okay. Et maintenant il est directeur des 3 Baudets, donc on espère quand même qu'il va continuer aussi à soutenir cette scène émergente, parce que voilà, il sait d'où ça vient, il sait ce que c'est que de jouer dans les bars, il sait ce que c'est que des gens qui savent vraiment faire du spectacle et qui n'ont pas été juste dans un petit cocon de confort et de studio. Et ça l'aide quand même à faire passer différentes choses chez lui. Est-ce que c'est la première fois que tu passais là au 3 Baudets ou... Oui, parce que ça n'a pas ouvert il y a très longtemps. C'est moi, j'avais pas de nouvelles choses depuis que ça a ouvert. Okay. Et depuis que ça a ouvert, j'avais le projet, puis j'avais pas perdu contact avec Julien Massoul pour que... Et c'est une salle que tu adores, que tu as vu vraiment tu as apprécié. On a fait un soir et j'ai vraiment apprécié, mais sinon j'y vais régulièrement en public. Okay, parce pour que, voir les spectacles. Il y a pas mal de choses, voilà, pas mal de choses qui me plaisent. Alors, ben écoute, ce qu'on se souhaite, c'est de se voir à Québec, se voir à CKRL. J'espère bien. Devant... Vous faites des émissions live aussi à CKRL? On peut venir chanter. On viendra chanter dans vos studios. Ben oui, il n'y a aucun problème. On fera un concert privé pour vos auditeurs. On fait ça régulièrement pendant le Radioton aussi. Donc, si. Radioton, c'est quand ça? Ben, le Radioton, c'est normalement au mois de février, donc... Oh putain, sandwich ton, je connais. Mais on fait des enregistrements pour faire croire aux gens que c'est en direct, non, c'est pas vrai, mais on peut amener des artistes, les faire jouer en studio et durant le Radioton, on diffuse. Ça, c'est... D'accord. Ça, ça se fait. Ben, parce que février au Québec, j'ai jamais fait, mais ça va être impressionnant aussi. Ah oui, pour le froid. Ouais, ouais. Je suis venu juste à l'été. Oui, il faut venir l'hiver. Ah oui, la tire d'érable et tout ce qui est érable, c'est un moment assez hallucinant. Ouais, ça fait envie de toute façon. Oui, ça fait envie de voir. Non, c'est vrai. Oui, le froid, la neige. Et surtout les gens sont différents. Ils sont pas comme l'été. L'été, c'est un peu plus relax. Mais l'hiver, on sent l'énergie. Il y a les quatre saisons, puis on les voit bien. Puis c'est s'il y a des Français qui viennent chez nous, c'est pour les quatre saisons. Et s'il y a des Français qui partent de chez nous, c'est à cause des quatre saisons. Ouais. Donc on peut pas plaire à tout le monde. Il y a toujours des endroits où on se sent mieux, mais il y a beaucoup de Français à Québec et au Québec. Donc, éventuellement... On en retrouve à chaque fois quand on va jouer là-bas. Beaucoup d'amis, des nostalgiques qui viennent voir des chanteurs français au Québec, ça leur donne une autre flamme. Bon. Alors, merci d'être venu. Eh bien, merci à vous. Et puis, pour La Relève, c'est extraordinaire, un album qu'on peut se procurer sur Internet. Voilà, Lucas Rocher, beau moqueur. Exactement. Lui aussi, il y a un jeu de mots dans son titre, parce que c'est beau comme beau et moqueur comme moqueur. Est-ce que c'est toi qui as trouvé ton titre? C'est moi qui ai trouvé mon titre et c'est lui qui a trouvé le sien. Alors donc, vous adorez les jeux de mots à la bonne et la pointe? Ça nous a quand même... On essaie de se guérir, mais c'est... C'est dur, mais c'est toujours mieux pour l'humour. C'est implanté. Oui, c'est ça, pour l'humour, ça passe très bien. Alors, merci de votre passage à mon émission et à la revoyure au Québec. Oh, non, avant, j'ai 10 questions, c'est vrai, j'allais quitter sans poser mes 10 questions. Ah merde. Que je représente, mais c'est pas grave. C'est les 10 mêmes questions, c'est ça, à tout le monde? Oui. Bon, allez, est-ce c'est que parti. Tu les connais? Ah non, carrément pas. Ok, mais ça va bien se passer. Puis en plus, il y en a un qui va pouvoir écouter pour préparer sa question. Ah merde. Qui veut ça? Ouais, et on verra, le plus réactif répondra en premier. Okay. Mais vous pouvez aussi, là, j'ai dit ça en cachant, bon. Vous pouvez également. Prendre le temps, hein, c'est pas vraiment sur le vide. Il y a du montage. Ok, c'est on ça. Fera du montage. Alors, si vous étiez un liquide. Un quoi? Un liquide. Oh putain. Oh, j'ose pas le dire à la radio. Non, vas-y, y'a pas de problème. Moi, pareil. Ah bon, Lucas? Mais non, t'es beaucoup plus sage normalement. Ah si. Non, mais allez-y. Si, moi aussi, je suis du Pepsi Cola. C'est ça, c'est ça que je pensais. Oh là là. Non, mais je suis diffusé à minuit, donc allez-y. T'es diffusé à minuit? Oh, d'accord. Oui. Alors, premier mot? Je sais pas, séminal en tout cas. Ok. Allez, moi aussi, oui. Bon, ok, très bien. Mais lui, il ment. Séminal Brothers. Tout le monde sait que la nuit, on ment. Okay. Si vous étiez une ville? Barcelone. Aubenas. Aubenas, c'est dans... c'est au fin fond de la France, en... c'est dans l'Allier, un petit village. En Ardèche. En Ardèche. Ouais. Pourquoi t'as une maison, t'as un chalet, tu voudrais avoir une maison ou un chalet? Non, c'est Aubenas, j'imagine en lettres d'or. Ok, c'est ça, le mot qui t'a l'air. Ouais, plutôt. Mais comment ça s'écrit? Aubenas. Ok. En lettres d'or. C'est dans le sud? Ouais, en Ardèche, c'est paumé dans la campagne. Mais ça peut pas être plus au sud, avec un nom comme ça, là, c'est vraiment... Ben là, ok. Si vous étiez une langue, alors on est tous amis. La sienne. Ok, et toi? Le flamand. Le flamand. Quelle horreur. Il y a, non, je pensais qu'il y avait juste Brel qui avait encore l'accent. Oui, non. Pourquoi le flamand? Parce que là, si parce qu'il aime dire gag, parce qu'il aime dire des conneries. Parce que j'aime beaucoup dire des conneries. Ok, mais alors tu dois assumer ton gag. Parce que j'aime beaucoup François Damiens. Mais qui n'est pas flamand. Non, mais c'est ça, c'est bizarre. Si vous étiez une époque... Une époque de merde. Ah, et c'est celle-ci? Ah oui, voilà, okay, celle-là. Voilà. Je sais pas... Alors, une révolution ou une autre. Laquelle? J'ai peur de... N'importe laquelle, j'ai peur de passer entre les mailles et de pas être là pour une révolution. Ok, alors ça me fait chier. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de problème. Alors, on encaisse en attendant. Merci. On va faire une pause. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, c'est beau. La révolution, ça reste à venir peut-être. La prochaine. La prochaine. Ok. En fait, moi, je ne suis pas du tout année maintenant. Je suis plutôt année 50, moi. Oui? Pourquoi? Non, mais c'est une période que j'aime beaucoup, en fait. Pourquoi? Tu ne l'as pas vécu? Non, mais je m'y suis vachement référé en film, en musique, en... en culture en fait. Donc, non, c'est bon, je m'en occupe. En plus, on se fait inviter. Non, si vous êtes. Ben oui, mais si vous voulez, je fais un entretien, donc je paye. Si vous étiez un mot. Un quoi? Un mot. Oh, mais il y en a plein! Allez-y. Un mot. Oh là là. Ah, c'est dur ça. C'est dur un mot parce qu'il y a un choix, moi j'ai jamais su choisir. Un mot, bah oui. Eh ben, un choix alors. Choix, ok. Horizon. Horizon, ok. C'est son côté, c'est son côté jeune. Oui. Mais on peut pas le voir à la radio, mais c'était avec expression corporelle. Voilà. Si vous étiez un aliment. Ah, j'ai pas déjà répondu à cette question à la première question. Non, c'est... Ah non, c'était liquide séminal. Ah ouais, ouais. Oh, ouais bah, c'est pas la même chose. Hein. Oh, un aliment, voyons. Guacamole en ce moment, moi je suis. Pardon? Le guacamole en ce moment. Explique-moi-le. Ah, le guacamole, c'est un aliment mexicain à base d'avocat, de okay. piment et de citron. Ok. Voilà, et c'est la dernière, j'aime beaucoup cuisiner, c'est la dernière recette que j'ai appris et que je fais avec plaisir. Et que tu réussis. Mais bien sûr. Et c'est vite fait. Voilà. Ok. Oh, vite fait, ouais. Non? Je suis plus ou moins vite fait. Plus ou moins, mais ça n'est pas si c'est réussi, sinon tu le refais. C'est ça. Et toi? Une frite. Pour François Damiens, toujours? Non, oui, François Damiens. Pourquoi une frite? Parce qu'il y a beaucoup de frites, mais il y en a des plus craquantes que d'autres. Ok, alors toi, c'est la craquante, c'est ça? Voilà, oui. La frite. Voilà, je suis la frite. Moi. Okay, la frite perdue dans l'énorme grosse, dans le gros cornet. Ok, tu es la frite. Voilà, je suis la frite du cornet. Okay. Bon, d'accord. La frite du sud ou? Ouais. Oh, ouais, bonne. La frite centrale plutôt. La frite centrale, oui. Si vous étiez une saison. Moi l'été, c'est sûr. Oui. Moi l'automne, clairement. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Parce que je les sangles longs, les violons de l'automne, ouais, c'est tout ça, le bordel. Dire après, voilà. Bah, tu vois, puis après, on peut. Après, râle le cul l'automne. Non, c'est une rare saison, je suis pas trop triste. Mais l'automne, l'automne aussi, c'est beau. C'est beau? Oui, okay. C'est marron. Ok, c'est plus frais. Oui. Ok, ben là, c'est frais actuellement pour un mois de juillet. L'année dernière, on était en sueur comme la Vierge Marie, on souhaitait. Là, la Vierge Marie, c'est quelqu'un que tu connais pas. Là. Qui soigne, non, non, ça me dit rien. Et elle soigne pas mal. Non, c'est mieux comme ça. Bon, ben là, ça peut devenir graveleux, mais c'est pas grave. Mais non, mais non. Si vous étiez un moment de la journée. Ah, t'as sauté la question si vous étiez un membre non, corporel. Non. Ah, mais oui, ok, si vous étiez un membre corporel, il a triché comme l'autre. Et moi, je regarde, je copie, moi. Ok, si vous étiez un membre corporel, allez-y dans le graveleux, il est là, c'est le temps passé. Même non, pas forcément, mais la langue. La langue française? Non, la langue. La langue, ok, ah, oui. Toi? On peut tout faire avec la langue. Un doigt? On peut tout faire avec un doigt. Ok. Il est pas au début, mais à la fin. Il est guitariste, il est guitariste. Ah, d'accord. Voilà. Comme disait Jean Leloup, un chanteur québécois, je joue de la guitare. Ouais. Que vous connaissez pas malheureusement. Mais si, Jean Leloup, bien sûr qu'on connaît. Tu connais Jean Leloup? Oui, cette chanson-là. Ouais, je joue de la guitare, justement. Ben, vas-y. Ah mais je l'ai vu sur un oui. réseau social en fait. Oui, vas-y. Elle a chanté comme ça? Oui. Bah il chante Didier, je joue de la guitare quoi. Oui mais vas-y, mais trouve au moins le rythme. Ah mais ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Okay. On coupera au montage. Non, oui, non mais c'est au contraire, ça je garde ça au montage. Non mais Jean Leloup c'est venu, ouais, il avait fait quelques trucs. Attends. Je sais plus ce que... C'était pas lui qui avait fait Cœur de loup justement? Ah non, c'était un autre. Ça. Non, ça c'est un Belge. Ouais. Ah oui, Cœur de loup c'est un Belge. Alors Jean Leloup, qu'est-ce qu'il avait fait comme tube Philippe... quand j'étais Philippe Lafontaine, non? Philippe Lafontaine, oui. Et Jean Leloup il avait fait un tube quand j'étais petit. En 1990, nanana. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Bah oui, voilà, oui, c'est venu ça. Si vous étiez un moment de la journée. Le réveil pas tout seul. Ok. La nuit, je pense. Tout seul. Oui. Si vous étiez un autre individu. Lucas Rocher. Ok. Ben bon, c'est, Mais en mieux. C'est pour ça qu'il t'a produit. Attention. Si j'étais un individu, je sais pas moi. Lui là. Ok. Un inconnu qui croise sur le trottoir un peu et plus voilà. loin. Là, j'ai une question bonus, mais qui n'a pas très bien cartonné depuis que je l'ai fait. Donc, mais je continue. C'est l'occasion. Je suis comme un entêté. Quelle folie voudriez-vous exécuter à mon émission? Il faudrait que ce soit une folie auditive, bien sûr. Nous sommes à la radio. Donc, auditive? Ah. Ben oui, à la radio. Quelle folie! Ouais, c'est vrai qu'à brûle pour point, comme ça, c'est pas gagné. Hey, toi, le petit bonheur, ça serait peut-être une folie. Un petit bonheur? Oui. Je te fais comme ça. Comme ça, la vite fait? Oui. Mais oui. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi, etc. Terra. Et quoi? Bon, mais alors, tu peux faire des chansons? Non, mais si, on peut faire. Je sais pas, j'ai un pote qui fait des chansons. Mais ça, il l'a fait quatre fois. Ça, je l'ai fait déjà dans l'émission, j'avoue. Soir, oui. Vider mon verre à la paille. Oui. Une folie. Ils vont dire le mec à la paille. Voyons. Oh, je sais pas. T'as parlé. T'as dit la nuit on ment, c'est non, ça? Non, la nuit je mens. Ah, la nuit je mens, ouais, c'est ça. Voilà, on peut faire l'hommage à Alain Bashung. On partage ça sur scène avec un. On partage ça sur scène avec un autre chanteur qui s'appelle Wally. Je sais pas si tu connais, oui. Un chanteur avéronnais. Ouais. Voilà, il y a une espèce d'hommage à Alain Bashung. Ça fait. On m'a vu dans le Vercors. On m'y verra plus. Voilà. C'est merveilleux. Moi j'adore. Ça veut tout dire. Alors c'est là-dessus que s'arrête notre rencontre. Merci d'être venu. On aurait pu faire pire.